Bergerac. Y'a Toulouse dans le Midi, dans le Lot, y'a pas d'Irak. Mais en Corrèze, quand on s'ennuie, trop d'attendre les nuits nacres pour s'enivrer toute la nuit. Les mercredis de la Dignac, faut oublier tous nos soucis. Yeah! De l'agnol de 1990, sans ce compte du pagnol, en se servant du pastis. Quand la semaine n'est pas drôle, que t'es d'humeur défaitiste, à la dinière comme un des grolles, on t'a oublié que t'es triste. Ouais. Ya galida di di dalai, ya ta ya ta ya ta lai, la galila la lai, ya galida la lai, ya galila la lai, ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya, we galida di galida di today, ya galida di dalai, ya galida di dalai, ya ya ya. Sans alcool, faut avouer que c'est un peu chiant. Les travaux agricoles au soleil et en plein champ. Mais quand notre vie est malheureuse et qu'on a de mauvaises pensées, on se rappelle que la Creuse, c'est le département d'à côté.